Radio Cayenne, la radio qui sort de la nasse. On est toujours sur Radio Cayenne, c'est un peu fou rire en studio. Du coup, on a un peu du mal à reprendre le micro. Je vais arrêter de crier dedans aussi, peut-être que ce sera plus cool pour vos oreilles. Non. Est-ce qu'on remet un autre petit morceau de musique? On se calme et on revient. Allez, un petit morceau. Ah, pas de la musique qui énerve, ça va. Ah, alors, attendez, pas de la musique qui énerve. Un petit Steve Waring. Thompson, le vieux fermier, a beaucoup d'ennuis. Il n'arrive pas à se débarrasser de son vieux gros chat gris. Pour mettre à la porte son chat, il a tenté n'importe quoi. Il a même posté au Canada. Il lui a dit, tu resteras là. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Thompson paye un petit gars pour assassiner le chat. L'enfant part à la pêche, l'animal dans ses bras. Au milieu de la rivière, le canot a coulé. Le fermier apprend que l'enfant s'est noyé. Mais le matou revient le jour suivant. Oh, le matou revient, il est toujours vivant. Le voisin de Thompson commence à s'énerver. Il prend sa carabine et la bourre de TNT. Le fusil éclate. La ville est affolée, car une pluie de petits morceaux d'hommes vient de tomber. Tiens, un doigt. Oh, un genou. Un œil. Ah, des cheveux. Mais le matou revient le jour suivant. Oh, le matou revient, il est toujours vivant. Le fermier découragé envoie son chaton chez le boucher pour qu'il en fasse du hachis parmentier, de la chair à pâté, du hamburger. Le matou hurle et disparaît dans la machine. De la viande poilue est affichée sur la vitrine, mais le matou tout revient le jour suivant. Oh, le matou revient, il est toujours vivant. Un fou s'engage à partir en ballon pour aller dans la lune déposer ce chaton. Au cours du voyage, le ballon a crevé. Et à l'autre bout du monde, un cadavre est retrouvé. Mais le matou tout revient le jour suivant. Oh, le matou revient, il est toujours vivant. Cette fois-ci, on expédie le chat au Cap Kennedy. C'est dans une fusée à 3 étages qu'il est parti. Le fermier saute de joie, car il n'a plus de soucis. Et puis le lendemain matin, on l'appelle de Miami. Hello, Farmer Johnson, we got your cat here. Yeah, we don't know how he got back down, but he's definitely here. Would you mind coming and picking him up, please? Yes, thank you very much. Et le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Le matou revient, car ce matou la suivant. Le matou, ce matou la revient, c'est un matou, il est toujours vivant. Le matou revient, car ce matou la suivant. Pas un matou, ce matou la revient, c'est plutôt le jour toujours vivant. Le destin, le matou revient, le jour suivant. Le destin, le matou revient, il est toujours vivant. Ce chat-là, c'est pas très fréquent. Ce chat-là, c'est plutôt le destin. Le destin, le matou revient, le jour suivant. il est toujours bien. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Ah oui, mais ils peuvent pas avoir des postes là-bas parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Radio Cayenne. La radio. Qui préfère. Foutre le bordel. Plutôt que de se trouver une place. C'est bon. Ta-ra-ta-ta-ta-ta. Oh, on est de retour sur Radio Cayenne. On mange du pain, du fromage et du saucisson. Et on est bien. Et on s'est un petit peu calmé. On arrête d'avoir des fous rires au moment de reprendre l'antenne. On est de plus en plus nombreux, nombreuses dans le studio aussi. Ça fait plaisir. Pam, pay up. Et on va enchaîner sur la chronique, enfin la, oui, une chronique, une revue de presse, chronique. Ah, ça devient une chronique vu que c'est toutes les semaines maintenant, mais. Ah, c'est ça que ça veut dire. Je crois. Chronique. On va enchaîner sur du coup une chronique où on va parler d'algorithmes, d'informatique. Une chronique la police. Tout ça, mais plutôt en termes, en tout cas pour le moment, de contrôle. Pas tellement en termes d'émancipation. Du coup, la première nouvelle, peut-être certaines d'entre vous l'ont déjà vue, à Lyon, tous les ans, il y a la fête des Lumières, tout ça. Voilà, c'est super. Enfin, c'est super. Il y a quand même des gens qui s'en plaignent, hein, de cette fête des Lumières. Et cette année, pour la fête des Lumières, la mairie de Lyon, elle a pris un contrat, en fait, avec Orange, donc l'opérateur téléphonique Orange, pour pouvoir compter le nombre de personnes qui étaient venues visiter, qui étaient venues, en fait, à cette fête des Lumières. Et donc, on a un premier article de Lyon Capital qui s'appelle « Lyon, la fréquentation de la fête des Lumières reste stable ». Gilets jaunes, casseurs, tensions, place Bellecour, météo médiocre et méthode de comptage plus précise, tous les ingrédients étaient réunis pour que le bilan de la fête des Lumières soit moins bon cette année. Et pourtant, selon la ville, la fréquentation reste stable. Ah, ouf, on est vraiment rassurés. La Fête des Lumières dévoile ses chiffres avec une édition 2018 qui a été marquée par une météo médiocre, un contexte national compliqué, ça on ne sait pas ce que c'est, mais la mobilisation des gilets jaunes au même niveau que la météo médiocre, hein, et la présence de casseurs le 8 décembre, et oui, pendant la Fête des Lumières. Vous vous rappelez ce jour-là? Le 8 décembre, c'est le jour où Gérard Collomb, il dit qu'il allait voir les casseurs et qu'il leur a dit « Oh, ça suffit et tout, arrêtez de casser quand même, c'est la fête des Lumières, on voudrait bien pouvoir commencer. » Donc voilà, il s'en est vanté dans les médias, tout ça. Casseur, arrête de casser. Ça suffit maintenant, les bêtises. Et vous n'entendez pas toutes les remarques en studio, mais il y a plusieurs façons donc de dire, d'imaginer Gérard Collomb... dire aux casseurs d'arrêter de casser. Enfin bref, du coup voilà, la présence des casseurs le 8 décembre, les fortes tensions en place Bellecour, quelques heures avant les illuminations, et les CRS qui faisaient usage de gaz lacrymogène pour disperser des groupes de jeunes. Donc compliqué, beaucoup de craintes sur la fréquentation de la fête des Lumières cette année. Non mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que les gaz lacrymogènes, en fait, ça faisait partie des effets du spectacle des Lumières, en fait. Et du coup, voilà, ils arrivent quand même, c'est très perturbant, les gens qui parlent très fort sans micro, mais prends un micro, camarade. On dit des conneries, ça sert. Nous aussi, on dit des conneries. Hein. Ah non, mais là, c'est... Donc, très cher auditeur, on essaye de reprendre le fil de notre émission. Donc, très compliqué de savoir si la fréquentation allait être en baisse, en hausse, stable, tout ça. Et en fait, en 2018... La Fête des Lumières aurait réuni 1,8 million de visiteurs, selon les données fournies par la ville. Et qui, ces données, elles ont été basées sur les chiffres établis à l'aide de l'opérateur téléphonique Orange. Orange a présenté une méthode de calcul qui serait soi-disant plus précise. Du coup, le journal remarque quand même que ce sont les mêmes chiffres que ceux de 2017 pour la fréquentation totale. Peut-être ils ont présenté une méthode, mais ils ont peut-être quand même fait un copier-coller parce qu'ils avaient un peu la flemme de mettre en route les moyens de leur... enfin bref, de ce qu'ils avaient fait payer, quoi. Du coup, les chiffres de la ville, ils disent que la fréquentation est stable. Et du coup, ils disent, enfin, ils détaillent un peu les chiffres, ça, on s'en fout un peu. Ce qui était important dans cette news, c'était que Orange, du coup, a fourni de quoi, en fait, fliquer les gens qui avaient des téléphones pour pouvoir compter, en fait, combien de personnes sont allées à la Fête des Lumières. Et du coup, la Fête des Lumières à Lyon, c'est plusieurs endroits, en fait, dans la ville. Et ce qui fait que Orange, en fait, a fourni à la ville de quoi, enfin, a géolocalisé, en fait, en temps réel, pendant toute la durée de la Fête des Lumières, les gens qui étaient sur son réseau et a fourni ces données à la ville, donc soi-disant anonymisées. Soi-disant, la CNIL n'a pas eu de retour à faire, mais est-ce que vraiment la CNIL a été informée? Il faudrait aller chercher. Est-ce que vraiment la CNIL est utile déjà? Oui, c'est ça. Hein. Orange! Du coup voilà, c'était la première news. Bon, c'était un petit peu confus, mais on va essayer d'être un peu moins confus pour la seconde news. La seule idée à retenir, c'était qu'Orange avait fourni le système de comptage et que du coup si ça commence à être fait sur des événements d'une telle ampleur, en fait, on n'a pas trop de doute que ça puisse être fait, enfin que ces systèmes-là puissent être prêtés à d'autres moments ou loués à d'autres moments à d'autres autorités que des villes. Donc c'est un petit peu à surveiller. Et sûrement, ça s'est déjà fait. Enfin là, ils n'ont pas déployé un truc. Ils ont pas déployé un truc expérimental, quoi. Ils ont déployé une solution qui existait pour pouvoir compter. Donc ça, c'était la première news. La deuxième news dont on voulait parler, c'est peut-être que vous en avez entendu parler, c'est l'application qui s'appelle la pile de CV et c'est une application Pôle Emploi. Une application, enfin pas une application Pôle Emploi, une application qui est fournie par une start-up la start-up, elle s'appellerait la pile de CV by, et moi je prononce pas très bien les mots comme ça que je comprends pas, B-O-W-K-R. Peut-être. Bowker. Merci. Donc, merci notre spécialiste en start-up. Notre consultant start-up sur Radio Cayenne ce soir. Donc la pile de CV by Bocre. Et du coup, on a un peu du mal à être sérieux ce soir. En studio, on a été très sérieux et très carré tout ce début de soirée. Du coup, bon, ça commence à être un peu long pour nous. Ça fait. Donc cette appli, maintenant que ça fait 3 heures qu'on en parle, elle est présentée comme la plus grande pile de CV au monde et elle ambitionne de révolutionner le marché de l'emploi. Et là, je vais vous lire la suite, c'est un article sur un blog Mediapart que vous pouvez retrouver, du coup, qui s'appelle App, la pile de CV quand Pôle Emploi fait de la discrimination par l'argent. Jusque-là, rien d'anormal. Les jeunes pousses dans ce secteur sont nombreuses et jouent des coudes pour proposer les meilleures alternatives à la recherche d'emploi classique. L'entreprise susmentionnée semble, de prime abord, tout à fait respectable. Elle affirme vouloir apporter de la fraîcheur et de l'efficacité dans le processus laborieux de la recherche d'emploi. Cela ne pourrait être qu'un banal communiqué de presse d'une start-up cherchant à se faire connaître si derrière tout cela ne se cachait pas un logo, un label, ceux de Pôle Emploi. En effet, cette application est mise en avant sur l'Emploi Store, plateforme officielle du ministère du Travail. Elle fait donc partie des services proposés par l'État pour les demandeuses d'emploi. Après quelques recherches, on s'aperçoit que Bocre est partenaire de Pôle Emploi depuis 2016 et qu'il y a plus de 35 000 CV dans cette base de données, qui est donc un véritable nid de chômeurs ou de personnes en recherche de travail. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Lorsqu'on se connecte à l'application, on comprend directement que les créateurs sont des adeptes de la Startup Nation. Couleur criarde, point d'expérience, pièce jaune, gamification. On est en plein dans l'univers de la Macronie, pour qui tout est un jeu, même la précarité d'un chômeur. Chaque CV obtient des points dits XP par rapport à une compétence, un diplôme, 2000 points XP, une langue parlée, 500 points, et ainsi de suite. Au final, chaque profil cumule un total de points et ces profils sont classés par catégorie, serveur, rédacteur, maçon, etc. et par ville de disponibilité selon le nombre de points. Celui qui a le plus de points est en haut de la pile et on lui promet d'être contacté par un recruteur plus vite que le pauvre 500e du classement qui, lui, n'aura que les miettes. Déjà, une belle idée de l'égalité républicaine. Mais le comble de l'ignominie est atteint lorsqu'on descend un petit peu plus bas dans l'application. Une petite ligne « Booster mon CV » apparaît et là, tout un manège se dévoile. On peut gagner 500 points d'XP en partageant son profil, mais également en regardant une vidéo promotionnelle. Et tenez-vous bien, en payant, on peut donc lire « Ajoute 10 000 points XP à ton profil pour une durée limitée. 5 jours, 16,99 €. » Surréaliste, Pôle emploi, via son service La Pile de CV, fait payer les demandeurs d'emploi pour les pistonner et leur permettre d'être contactés par des recruteurs. On est dans la stratosphère. On assiste ici à un véritable scandale. Classer les humains passe encore. Ouais. Cela se fait malheureusement déjà à l'école. Mais donner plus de chances de recrutement à une personne aisée qu'à une personne dans le besoin, nous voilà arrivés au stade terminal du capitalisme. Et c'est le gouvernement, via Pôle emploi, qui nous le propose. Elle est pas belle, la vie en Macronie. C'est un comble. Mais franchement, moi, je préfère payer 16,90 € pour que Pôle emploi me foute la paix, plutôt que pour que des recruteurs me contactent, en fait. Je trouverais ça vachement plus efficace et vachement plus sympa et ça me servirait vachement plus. Moi, je trouve ça un peu cohérent parce qu'en fait, t'as tout compris, quoi. En fait, si tu payes 16 €, bah, en fait, t'as plus d'expérience. C'est exactement ça. T'as l'expérience de soudoyer les gens, d'utiliser son capital financier. En fait, c'est comme ça que ça marche, la vie, hein. Voilà. Finalement, c'est logique. Et puis ça se met un peu aussi en parallèle avec le durcissement du contrôle des demandeuses d'emploi qui ce contrôle va finir. Pour l'instant, ils vont demander aux gens de remplir en fait ce qu'ils ont fait de leur journée, un journal de bord sur le site Pôle emploi. Mais assez rapidement, en fait, ce qui va se passer aussi, c'est que Pôle emploi va fliquer, en fait, avec des algorithmes, comment sont utilisés, quelles applis t'as installées ou pas, comment t'utilises, à quelle fréquence tu te connectes, est-ce que tu cherches vraiment du taf. Et ce genre de truc, en fait, c'est à ce genre de truc qui pousse les gens, en fait, à utiliser ce genre d'application et du coup à payer, en fait, pour... c'est la nouvelle forme de sous-traitance de Pôle emploi, quoi. Ouais, c'est clair. C'est vraiment. C'est payé justement pour alimenter les trucs de big data qui servent après dans toute l'algocratie, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Mais d'ailleurs, si vous voulez vous actualiser. Oui, ouais, ça fonctionne. Ouais, d'ailleurs, si vous voulez vous actualiser sur Pôle emploi, en fait, et que vous partez ailleurs en France ou même à l'étranger. C'est super conseillé de passer par un VPN pour s'actualiser parce que Pôle emploi peut savoir à partir de quel endroit, de quel PC vous vous actualisez. Et si vous êtes en contrôle particulièrement accru, vous demandez des comptes après coup. Ouais, plus simple qu'un VPN qui est souvent payant, il y a le réseau Tor. Moi je sais pas, mais j'arrive pas très bien à me connecter par exemple sur le site de Pôle emploi avec Tor. Il aime pas. Ah bah ça marche pas. Ça fera l'objet d'une prochaine rubrique. Peut-être. Il va falloir faire des tests. Peut-être du coup maintenant qu'on est ça quand même préciser aux gens que si Pôle emploi sait depuis où on se connecte, en tout cas si des algorithmes et peuvent détecter des anomalies de connexion, c'est-à-dire qu'on se connecte d'un endroit différent de d'habitude, ça aussi c'est une anomalie en fait si tu te connectes via un VPN, un réseau Tor, et du coup ça veut dire qu'il faut prendre ces habitudes là même quand on n'est pas même quand on est chez soi en fait, sinon vaut mieux demander à un pote de le faire, hein, ou une pote de faire l'actualisation, c'est que que de se connecter depuis un réseau en Islande ou qui peut-être. Il y a un truc que j'ai pas très bien compris par rapport aux 16 euros dont tu parles. Ça s'adresse aux personnes qui, éventuellement, si elles ont une qualification, il faut qu'elles payent pour pouvoir mettre en valeur leur qualification, c'est ça ? Pour que leur CV soit dans les premiers. En fait, les CV, ils sont classés par points XP, du coup, par points d'expérience, donc comme dans un jeu. Ça veut dire que si tu as les moyens, tu peux très bien accéder à un poste que tu ne mérites pas et emmerder les gens qui travaillent avec toi, juste sous prétexte que tu as les moyens de payer le truc de Pôle emploi. Exactement. C'est possible d'essayer. Mais c'est extraordinaire quand même. Oui, ça veut dire, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de demandeurs d'emploi que je me demande pourquoi on en arrive là, parce qu'il y a beaucoup de gens surqualifiés qui n'arrivent pas, on va dire, à trouver des postes. Donc ce genre d'option, finalement, je comprends pas, en fait. Il y a quelque chose qui m'échappe réellement. Et là, je t'avouerais que... Bah pour Pôle emploi, c'est vraiment aussi... Si Pôle emploi a accepté à valider, en fait, ou à labelliser cette application... C'était aussi, c'est aussi pour faire de la concurrence en fait entre les demandeurs et les demandeuses d'emploi. Oui, parce que moi, par exemple, je parle anglais, je pourrais très bien payer 16 balles. Ça ne veut pas dire que il y a des tas de gens qui postulent à Pôle Emploi qui sont, on va dire, moins qualifiés que moi. Je suis sûr qu'il y a plein de gens à supposer que je fasse la démarche de payer les 16 euros et tout ça, et que moi, je puisse avoir accès à ça parce que j'ai certains privilèges. Il y a des tas de gens qui pourraient être plus qualifiés pour ces postes-là, qui n'ont pas forcément de quoi débourser 16 euros à ce moment-là, mais qui feraient un boulot vachement meilleur au poste que j'occupe. Et c'est ça que je trouve dingue, en fait. C'est qu'au lieu de favoriser des gens qui, finalement, ont l'expérience déjà et qui sont capables de gérer certaines choses avec certaines responsabilités, d'avoir le salaire qui va avec, parce que je sais pas, ils ont des enfants, ils ont une famille, ils ont des trucs à payer qui sont normaux, quoi. Pourquoi est-ce qu'on favoriserait des gens qui, comme ça, ça me paraît con. Vraiment. Bon, en même temps, c'est Pôle emploi. Hein. Ouais, et puis l'idée, c'est de générer. L'idée de la boîte, c'est de générer du profit. L'idée, ça continue à aller dans le sens de privatiser Pôle emploi, en fait, du coup, de continuer à faire appel à des sous-traitants. Oui, privatiser Pôle emploi et du coup faire appel à des sous-traitants et du coup faire des sous-traitants. Il y a des sous-traitants pour l'accompagnement des demandeuses d'emploi. Il y a des sous-traitants pour l'accompagnement à la formation. Il y a des et là et du coup ils font appel à chaque fois pour toutes les applications qu'on voit sur le site Pôle emploi. Le site Pôle emploi lui-même, c'est des sous-traitants qui les font. Et du coup c'est de continuer cette logique là. Quand t'as pas de smartphone, ça se passe comment ? Quand t'as pas de smartphone. Quand t'as pas de smartphone, comment tu fais ? Bah peut-être dans quelques années, quand t'auras pas de smartphone, tu te feras radier de Pôle emploi parce que t'auras pas d'effort pour chercher du, t'auras pas fait d'effort pour chercher du travail, quoi. T'es pas au goût du jour, tu peux pas être recruté si tu fais pas des efforts. Hein, après là, c'est normal qu'on te laisse crever. Hein, voilà. C'est ça que pense l'État, c'est ça que pense Pôle emploi. La privatisation de la recherche d'emploi, ça fait longtemps que ça existe, hein, avec les agences d'intérim qui maintenant peuvent vous aider à trouver un CDI. Enfin, voilà. Le CDI intérim. Oui. Et les annonces de Pôle emploi, en fait, si tu décoches, quand tu cherches des offres sur Pôle emploi, parce que Pôle emploi te fait chier si tu cherches pas d'offres régulièrement sur leur site. Donc quand tu fais semblant de chercher du travail, tu vas sur Pôle emploi, tu tapes le truc que tu cherches. Si tu décoches la case voir les offres des partenaires, tu n'as presque plus d'offres, même dans des boulots en fait où il y a beaucoup de recrutement. Et ça fait partie aussi de la privatisation de Pôle emploi. Et les partenaires de Pôle emploi, c'est des boîtes d'intérim, des boîtes qu'ils appellent, entre guillemets, de chasseurs de tête, des boîtes qui se font des thunes avec des offres d'emploi copiées-collées. La plupart, elles ne sont pas légales. Mais du coup, voilà, ça, c'était la petite nouvelle de Pôle emploi. C'est un truc parmi d'autres parce que c'est pas prêt de s'arrêter en fait ces applications à la con. Enfin, il y a quand même il y a deux ans maintenant, il y a une boîte, une start-up qui a quand même été foutue de fournir à Pôle emploi une application de géolocalisation de points en fait sur une carte pour que tu puisses chercher, genre si tu cherches un boulot dans le commerce, tu tapes vendeur ou vendeuse dans la recherche et sur la carte s'affichent les commerces en fait. Mais si tu vas sur Google Maps, OpenStreetMap ou d'autres sites de cartographie, tu tapes commerce et tu les vois en fait ces commerces. Et ben non, Pôle Emploi a acheté en fait une application pour faire ça et faisait des réunions d'information pour inciter les demandeurs et demandeuses d'emploi à utiliser ce truc de merde. Et en fait, toute la thune qu'on donne plus aujourd'hui, enfin, on pourra en dire plein de choses de ça. Toute la thune qui est plus donnée aujourd'hui aux chômeurs et aux chômeuses, en fait, elle passe dans tous ces trucs de merde. Et faut pas oublier que, une grosse partie de la thune, elle passe dans ces trucs de merde. Et le deuxième truc, faut pas oublier que les travailleurs et travailleuses ont arrêté de payer les cotisations Pôle emploi. Et cette année, c'est au tour, en fait, des employeurs de payer beaucoup moins de cotisations Pôle emploi. Bientôt, en fait, il y aura plus de cotisations chômage, en fait, sur les bulletins de salaire. Les cotisations chômage, elles viendront plus de la production. Elles viendront surtout plus des patrons, en fait. Et c'est assez inquiétant sur la thune qui va être allouée au chômage. Et quand on voit là ce qu'ils sont en train de dépenser comme thune, parce que ça coûte hyper cher ces applis à la con, il y a de quoi s'inquiéter en fait. J'ai envie de revenir à autre chose que le smartphone en fait, et d'arrêter complètement d'utiliser les smartphones. Parce que si on nous oblige à utiliser ça, il y a un moment où, je sais pas. Alors que, enfin moi personnellement, j'ai jamais ressenti le besoin. Moi j'ai un ordinateur chez moi sur lequel je peux aller sur internet. J'ai un téléphone qui reçoit des messages et qui reçoit les appels, c'est largement suffisant et je me suis toujours contenté de ça. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait plus faire ce choix-là, parce que c'est un choix, clairement, et pouvoir avoir des emplois comme tout le monde et des choses comme ça, en fait, je sais pas. Mais je voulais rebondir sur le truc de, effectivement, il y a de moins en moins de cotisations qui rentrent dans les caisses de l'UNEDIC et ça, on en voit directement les conséquences avec l'annonce de réforme de l'assurance chômage qu'il y a eu il y a pas longtemps, quoi. C'est que le début d'un long truc où bizarre, il y a plus de thunes. Et du coup on va être obligé de réduire les droits des chômeurs et des chômeuses. Ah ben ça fait longtemps qu'ils sont en préparation par rapport à ça, et puis ils nous sortent toujours un truc du genre oui mais on s'aligne sur la moyenne européenne. Du coup, c'est très très chiant parce que, évidemment, nous, ce qu'on aurait tous souhaité, c'est que la moyenne européenne, elle se cale sur ce qu'il y a de mieux et que même encore, on améliore encore le système parce qu'en vrai, en termes de répartition de richesse, on est loin d'être performant, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis après, peut-être pour répondre sur des trucs de smartphone et tout, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme l'utilisation d'Internet il y a 10 ou 20 ans, quoi. Tu n'étais jamais obligé, tu pouvais t'en passer, ou un téléphone portable, tout le monde n'était pas obligé d'en avoir, mais petit à petit, ça devient presque obligatoire parce qu'en fait il y a plein de trucs que tu peux plus avoir accès et que tu peux plus faire. Et là j'ai l'impression que chercher un emploi quand t'as pas de smartphone, en fait il y a déjà des emplois qui te sont interdits si t'as pas de smartphone. Enfin par exemple les Deliveroo et tout ça là, vous voyez, il faut pouvoir avoir un GPS, faut pouvoir avoir un smartphone, sinon tu peux pas travailler, quoi. Ah oui, mais c'est des auto-entrepreneurs. Ouais, mais c'est ça, faut investir maintenant pour son avenir, tu vois. En fait faut payer pour avoir son CV en haut, faut payer pour avoir les bons équipements, faut payer tout le temps, et l'argent t'es censé le gagner comment? On sait pas trop, voilà. Mais d'ailleurs, en 2020 ou en 2022, en fait, c'est prévu que... C'est prévu que les lignes fixes soient totalement supprimées. Et qu'on passe uniquement sur un système de lignes mobiles. Et un truc assez hallucinant aussi avec Pôle emploi, c'est que maintenant, après chaque passage en agence, il t'envoie un questionnaire de satisfaction sur ton expérience en agence Pôle emploi. Et que tu peux aller voir sur le site Pôle emploi, en fait, les résultats de satisfaction par rapport à telle ou telle ou telle ou telle agence sur le territoire, dans ton département, dans ta ville, etc. Et que, en fait... Ce qui sert pas à grand-chose, vu que tu peux pas choisir ton agence. Bon, non. Et en fait, je me souviens pas très bien de ce qui était dit, en fait, mais les questions, elles sont vraiment bidons, en fait. C'est... c'est pas du tout pertinent, en fait, par rapport à tout ce que tu aurais à dire par rapport à ta prise en charge, quoi. Et que on passe vraiment sur un truc de Pôle emploi limite en tant que service commercial, parce que les questionnaires de satisfaction par rapport à des expériences dans tel ou tel endroit, avant ça se faisait que dans des boutiques ou dans des services payants. Là on parle quand même d'un service public pour savoir si t'es satisfait de la performance des gens qui bossent à Pôle emploi. Alors enfin, Déjà, franchement, j'ai jamais été trop satisfaite quand j'avais affaire à des gens de Pôle emploi. Mais là, en plus, il y a un double, triple flicage qui se fait. Non seulement des chômeurs, mais en plus des gens qui bossent là-bas, qui sont moins en moins, en fait, qui sont peut-être pas toujours super agréables, mais qui, en fait, ont des dizaines, des centaines de dossiers à gérer. Et qui, je pense, des fois, peuvent pas faire trop autrement, pas forcément les qualifications, pour parler de toutes les diversités de parcours professionnels, par exemple. Et ils vont se retrouver à être fliqués sur des performances, comment dire, évaluées commercialement, sur « Ah, bah là, ils étaient pas contents, donc il faudra améliorer ci et ça. » Et ça devient un monitoring, en fait, complètement commercial, en fait, des prestations délivrées par Pôle emploi, que je trouve vraiment très, très grave, quoi. Aujourd'hui, à Pôle emploi, on parle de portefeuille client, par exemple, pour dire combien de demandeurs d'emploi sont suivis par un ou une conseillère. Du coup, bon, bah, quand on parle de portefeuille client... Et ça se compte en centaines de personnes. Ouais, par conseiller-conseillère, et ça a changé très très vite, et ça a changé très très vite depuis la fusion ANPE-ACEDIC, et le truc de double-triple flicage dont tu parlais, c'est quelque chose qui a été dénoncé à l'époque par les travailleurs, travailleuses, notamment de la ANPE, et par d'autres gens, que la fusion elle allait amener du flicage et qu'on pouvait pas être à la fois la personne qui accompagne et la personne qui sanctionne. Et là le nouveau truc, on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui et aussi parce que là on était en train de faire une chronique sur les algorithmes, du coup on va reprendre la chronique, mais le nouveau les nouvelles sanctions là qui ont été annoncées les nouvelles sanctions, bref, qui ont été annoncées par le gouvernement, elles confirment les craintes qu'il y avait à l'époque de la fusion, en fait, quoi. Où là, tu vas pouvoir te faire sanctionner par tu vas pouvoir te faire, en fait, pendant un mois, perdre ton pôle emploi. Et c'est ton conseiller ou ta conseillère qui pourra choisir, en fait, que tu perdes ça. Du coup, c'est complètement, enfin, ouais. C'est assez hallucinant. Là où avant, c'est des trucs qui plutôt passaient en commission, t'étais convoqué, t'avais à t'expliquer ou quoi. Et là, bon, bah voilà quoi. À l'issue d'une convocation, quand t'auras raté une convocation, ou quand tu montreras pas des signes d'une recherche active, quand tu refuseras deux offres, bon, s'ils le mettent en, s'ils arrivent à ce que les agents appliquent vraiment ça, quoi. Mais bon, voilà, ça confirme vraiment les craintes et ça annonce pas grand chose de bon. Je suis né. Il y a maintenant des millénaires, bien avant l'ère moderne et les siècles de lumière, fruit de l'union d'un père esclave et d'une mère justicière. Je suis l'insurrection, reine désinvolte au sale caractère. Mon frère aîné, le pouvoir depuis lors cherche à me faire taire, à m'empêcher de me mouvoir pour conquérir la terre. Mais dans le reflet de son miroir, je me tiens rebelle et fier. Je suis né pour l'anéantir et je m'y affaire l'année entière. Je suis faite de colère, mais dans mes veines coule l'amour et s'écoule des larmes amères de mon regard où renaît le jour. Car mes ennemis sèment la mort, dessinent la nuit mettant prennent la peur, prennent la haine, entassent les corps, prennent l'espoir en attachant les cœurs. Alors ma rage est exacerbée, on critique ma virulence, elle n'est pourtant pas exagérée. La pratique de la violence est souvent une nécessité, la politique est en sous-foyé. La guerre est dans leurs assemblées autant que dans leurs armées. Je suis l'insurrection, je suis l'insoumission, je suis l'insoumission, contre l'oppression. Faire monter la pression du pouvoir pour sa restitution, je suis l'insurrection. Ma colère a la couleur noire de la peau des esclaves, rouge comme les tribus du Grand Nord, Cheyenne, Iroquois. Le marteau de la liberté brise à leur entrave, quand la quête de dignité fit s'élever leur voix. La foudre de mon regard allume à la poudre des mutineries, aiguise à la fourche du bagnard, attise à la fougue des insoumis. Et quand la foule sur les boulevards prétend découdre, se réunissent pour changer le cours de l'histoire, elle recoudre au fil de ma furie. Et soudain c'est l'euphorie, quand l'oppresseur effaré succombe à ma folie, s'enfuit le regard effrayé, les révoltés s'esclaves. La féerie qui pleure de joie dans les bras serrés, savourant l'aphorisme de la victoire que plus rien n'effacerait, comptant les corps avachis que la mort a fauché, ou soignant les blessés, gémissant et de sang taché, aujourd'hui repoussant les fascistes, mais à jamais fâchés, portant dans leurs esprits ma dignité enragée. Pouvoir pour sa destitution, je suis l'insurrection. Si je change le cap de direction, je suis le soir de transformation. La vie en mouvement pour seule destination. La destruction de la société totalitaire marchande n'est pas une affaire d'opinion. Elle est une nécessité absolue dans un monde que l'on sait condamné. Puisque le pouvoir est partout, c'est partout et tout le temps qu'il faut le combattre. Il est à détruire. Mon espace-temps, c'est ici et maintenant. Le futur et le passé s'embrasant dans le présent, dans l'intensité de l'instant. C'est la vie que je représente. C'est la pluie qui vient laver la poussière du bitume oppressant. C'est la lime dans la prison, l'alarme du besoin pressant. L'indignation dans un frisson face au regard méprisant. C'est la ligne de l'horizon quand le cobra se dressant fait fuir la raison, laissant place à l'instinct de l'instant. À l'insu de l'austère, mon issue est l'espoir. Appelle-moi l'exhausteur du goût de vivre sans subir l'histoire. À l'instar de l'empire, mon hostilité aspire à l'hystérie libératrice plutôt qu'à l'esprit stérile. Si j'écris justice, dans l'acte je la cristallise. Je suis l'explosion de vie, la sortie de la chrysalide. Malgré les tristes rimes, mes écrits stimulent raconter mes histoires aux enfants pour qu'ils en saisissent la plume. Insurrection, je suis l'insoumission. Une mission lutter contre l'oppression. Faire monter la pression du pouvoir pour sa destitution. Je suis l'insurrection. Change le cap de direction. Prenez-moi bien, je ne suis qu'un moyen. Le bras vaillant des vauriens, le côté guerrier des païens. Je fais rêver mes partisans, inspire la peur aux citoyens. Mais le combat quotidien continue d'être mon doyen. La domination est constante, l'oppression s'est mise dans chaque recoin. Même si je débarque demain, ne m'attendez pas pour y mettre fin. La lutte est permanente, la liberté s'acquiert au long du chemin. Peu de grands soirs, rouge et noir, beaucoup de petits matins. Formidable, inattendu, insurrection des consciences. Contre la raison d'État, contre la volonté de l'oligarchie dominante, eh bien ces événements vont se multiplier, ces ruptures vont se multiplier et le front de refus, cette fraternité de la nuit, se constitue pas à pas. Et de ce refus va naître la rupture et de la rupture va naître la liberté. Et ce que la liberté libérée dans l'homme va faire et créer, ça c'est le mystère de l'histoire. Un voyou, il finira à Cayenne. Radio Cayenne. Hola, hola. Nous sommes lundi 7 janvier 2019. Vous êtes encore sur Radio Cayenne et nous poursuivons notre rubrique Algorithme à la con et compagnie et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, on continue en parlant d'Android. Oh là là, Android, vous savez, c'est ce système d'exploitation qu'on peut trouver sur les smartphones, donc les téléphones soi-disant intelligents. Android, je pense d'autres systèmes d'exploitation aussi, hein, mais c'est Android là qui s'est fait griller. Android a été grillé il y a un peu plus d'une semaine, il y a une semaine. En tout cas, des applications faites pour Android ont été grillées pour partager avec Facebook des données personnelles sans le consentement des utilisatrices. Du coup, ces applications, elles partagent des données personnelles non seulement avec des personnes qui ont des comptes Facebook et qui sont donc qui se servent de leur compte Facebook sur leur smartphone, mais elles partagent aussi des données avec qui concernent des personnes qui n'ont pas de compte Facebook et du coup qui n'ont pas consenti à avoir des échanges et à être fliquées par Facebook, puisque quand on signe les conditions d'utilisation de Facebook, on consent à être fliqué par ce réseau social. Quand on n'utilise pas ce réseau social, on ne consent pas spécialement à être fliqué par eux. Bref, ça c'est logique. Donc ces applications, en fait, elles racontent, elles fournissent en fait des données personnelles avec Facebook. Et comment ça se passe ? Alors ça se passe déjà que chaque Android, en fait, il a un numéro d'identifiant unique. Donc chaque système d'exploitation sur smartphone a son petit numéro identifiant. Avec votre smartphone, en fait, une partie des gens, on peut faire autrement, peut-être on le dira tout à l'heure, mais installe des applications à partir je sais plus comment ça s'appelle, Google Play. Google Play, du coup, qui est ou le store Google, enfin qui est le magasin en fait d'applications Google. Donc pour lequel il faut un compte chez Google pour pouvoir installer une partie des applications. Il y a aussi des applications pour lesquelles il n'y a pas besoin en fait d'avoir un compte Google. Et donc une partie, beaucoup en fait de ces applications là, elles utilisent du code qui est fourni par Facebook, qui peut être des trucs, qui peuvent être du code qui va permettre, qui va donner des fonctionnalités. Donc ça évite en fait aux développeurs et aux développeuses qui fabriquent les logiciels d'écrire en fait eux-mêmes, pour le dire vite, une partie du code. Il y a plein d'autres façons pour éviter d'écrire une partie du code qui fait un logiciel. Une des façons, c'est d'aller chercher chez Facebook. Et du coup, ça peut être soit de proposer une authentification Facebook sur l'application que vous avez installée, mais ça peut être aussi d'autres trucs en fait qui améliorent la navigation sur l'application, par exemple. Et du coup, les applications qui sont concernées, donc ces applis, une fois qu'elles ont ce bout de code, ces morceaux en fait de code, ça leur permet, donc le code, je sais pas comment expliquer ça, c'est le langage informatique, en fait le langage informatique qui permet de faire tourner le logiciel. Une fois qu'elles ont ces morceaux de code, en fait, une partie de ces morceaux de code, ils permettent en fait de se connecter à Facebook et de se connecter à Facebook, non seulement à ce que l'application se connecte à Facebook pour transmettre une partie des données qui vous concernent. Donc l'identifiant de votre téléphone, l'application que vous êtes en train d'utiliser, une partie des données issues de cette application, mais aussi quelles sont les autres applications installées sur votre téléphone, quel est votre usage du téléphone, c'est quoi la dernière fois que vous l'avez éteint, allumé, des trucs comme ça. Oui. C'est une façon de déléguer une partie du traitement à Facebook, quoi, en gros. Et ces applications, elles sont pas forcément en lien en fait avec Facebook, et c'est pas des applications Facebook du tout d'ailleurs. Et dans les applications qui ont été grillées à faire ça, il y a par exemple des applications qui fournissent des données très très personnelles, enfin qui des applications pour lesquelles vous devriez pour lesquelles, choisissez votre syntaxe, en tout cas des applications auxquelles vous auriez envie de faire confiance. Par exemple, il s'agit d'applications de calendrier pour noter ses cycles menstruels. Voilà, ça permet quand même, ça permet du coup notamment à Facebook de savoir si vous avez un utérus ou pas, du coup, et de vous classer dans la case personne ayant un utérus, qui très certainement pour Facebook se résume à personne étant une femme, mais bon, on va pas leur prêter de mauvaises, je ne sais quoi, catégorisations ou... On rappelle par ailleurs qu'il y a des hommes qui ont des utérus. Et des femmes qui n'en ont pas. Et des femmes qui ont des bites également. Du coup voilà, là pour l'instant c'est 20 applications Android qui ont été grillées à transférer ces données. Et c'est 20 applications parmi seulement 34 applications qui sont surveillées par Privacy International. Du coup, ça fait quand même un bon score. Ça fait plus de 2/3 des applications. On veut des noms. Il y est quand même. Désolée. Voilà. Enfin, il y aurait plein d'autres trucs à en dire de ça, mais peut-être on peut vous laisser chercher. Mais L'idée de Facebook là-dedans, en fait là-dedans, Facebook, ils s'en fout un peu que vous ayez un compte un peu chez lui. Bon, d'avoir un compte, ça permet de vous fliquer plus et puis que vous auto-alimentiez en fait les bases de données. Mais le contenu, c'est dur en fait. Le contenu écrit, c'est dur à traiter. Ils le font, hein, y a pas de souci, ils le font. Je suis pas en train de dire qu'il faut continuer à raconter toute sa vie sur Facebook. Et de continuer à faire analyser sa vie par Facebook, mais toutes ces données en fait qui s'appelleraient plutôt des métadonnées, en fait elles sont intéressantes parce qu'elles se traitent très vite en fait. Du coup, elles sont très très vite rentables en fait. Ces données, elles ont besoin de moins de traitement en fait que le contenu qu'on va mettre sur Facebook. Elles ont moins besoin de moins d'analyse. Il y a moins besoin qu'il y ait voilà des humains qui repassent derrière pour interpréter une partie des trucs, comme on voyait pour on avait parlé un peu avant l'été voilà des enceintes Google en fait où il y a des humains qui écoutent en fait pour retranscrire des conversations que des gens avaient avec les enceintes parce que c'était pas possible qu'un logiciel interprète tout seul. En tout cas au départ, l'idée d'écouter et de retranscrire, c'est de permettre au logiciel à la fin effectivement d'analyser tout seul ça et d'être voilà. Mais là en tout cas c'est très très intéressant pour Google et il le fait pas que, je dis pas qu'il le fait que pour les gens qui n'ont pas de compte Google, il le fait pour tout le monde d'analyser ça. Mais là le truc c'est qu'on pouvait se sentir un peu les personnes qui, comme moi, n'ont pas de compte Facebook et n'ont certainement pas l'intention d'avoir un compte Facebook, bah, en fait, de se rendre compte que quand même, en n'ayant pas installé autre chose sur mon téléphone que Android, en ayant laissé le truc par défaut sur mon téléphone, bah, je me retrouve à filer des données à Facebook que Facebook peut monnayer et on s'en fout un peu les boules. Voilà, on travaille encore gratuitement, hein, y en a marre. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais même s'il me payait, ça me ferait chier, quoi. On peut parler du travail gratuit et des utilisateurismes, mais il y a aussi des gens dans les pays émergents qui sont payés à regarder les vidéos sur YouTube, à filtrer les contenus de divers plateformes, y compris... quand on parle de vidéos sur YouTube, ça peut être des trucs de propagande de l'État islamique, donc des trucs assez trash, enfin, c'est... Et très très peu payé, c'est un petit peu un boulot de merde quand même. Est-ce que je peux vous faire peur un petit coup là? Parmi les applications qui se sont fait griller. Parmi les plus populaires des applications. Bon, TripAdvisor. Bon, enfin, ça donne quand même des indications de où vous allez, vos déplacements, tout ça, vos voyages, tout ça. Mais en même temps, TripAdvisor, c'est un peu une application de rageux et de rageuse, franchement. À condition d'avoir un smartphone. Parce que moi, franchement, un de mes plaisirs coupables, c'est d'aller... c'est d'aller voir les restos sur TripAdvisor qui ont les plus mauvaises notes sur Nantes et de regarder ce que les gens ont mis. Et c'est incroyable l'énergie que les gens dépensent à dire à quel point ils ont passé un moment de merde à base de plastique dans les sushis, etc. Bref, je vous passe les détails. Bah, et par là contre, où c'est très drôle. Amusant, c'est que, par exemple, moi, j'utilise surtout Facebook pour prendre nouvelles d'amis qui habitent dans d'autres pays ou qui vivent dans d'autres villes, des gens avec lesquels j'ai pas forcément l'occasion d'avoir un contact direct, mais avec lesquels j'ai passé des bons moments, avec lesquels j'ai juste envie de garder un contact. Et bah des fois, je me rends compte que bah, on me suggère des choses par rapport à ça qui ont un certain sens, mais qui dans le fond sont complètement à côté de la plaque parce que ça correspond à... Par exemple, un exemple très concret. Un jour, j'étais dans un bar avec un pote et puis on parlait de musique, on parlait de plein de choses. Et puis à un moment, j'ai mentionné un live de Bob Marley avec les Wailers en 73. Avec un morceau qui s'appelle Steer It Up, et je trouvais que le live était magnifique. Et je lui ai parlé de ce live-là, et ça faisait environ 6 ou 7 mois que j'avais pas vu le truc. Je rentre chez moi le soir même, qu'est-ce que j'ai dans mes suggestions? Steer It Up des Wailers. Et là, peut-être que ça n'a rien à voir, mais je suis allé chercher un petit peu dans des forums, dans des choses, parce que ça m'intéresse quand même un petit peu, et je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens à qui le même genre de choses sont arrivées. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Il y a aussi un truc assez hallucinant en fait, c'est même quand tu n'actives pas ta localisation GPS sur ton téléphone, quand tu vas dans une soirée avec des gens et que après tu rentres chez toi, même si les gens avec qui tu étais n'avaient pas activé la localisation sur leur smartphone, et ben quand tu rentres chez toi, tu as en suggestion d'amis les gens qui étaient à côté de toi à ce moment-là. Même sans Ouais, ouais, complètement flippant. Mais même, comment dire, si les deux, trois personnes, en fait, n'avaient pas activé la localisation, et ben, Facebook sait que tu étais proche d'elles, ouais, en fait. Si elles ont pas liké l'événement, ou... Non, c'est même pas ça. Après, ça peut être aussi un truc du style, comment dire... on était connectés sur Facebook au même moment, et puis on a liké deux, trois trucs, on a une activité au même moment, enfin, dans la même heure, en fait. Mais moi, ça m'arrive... Sur telle borne... Ouais, exact. Et moi, ça m'arrive systématiquement, en fait, de passer des soirées avec plein de gens que je connais pas, et de les avoir en suggestion à amis, mais le lendemain, quoi. Je suis contente de ne pas avoir Facebook. On continue, mais attends, t'as peut-être d'autres trucs qu'on va citer. Super, merci. Donc là, TripAdvisor. J'ai pas, c'est bon. T'as pas, c'est bon. Check. Tu l'as même pas pris pour disliker le commissariat Valdec-Rousseau. Non, je sais, ouais, j'aurais pu. Alors, l'autre appli, c'est Skyscanner. Ah, c'est pour les voyages. C'est pour les voyages, nous dit-on. Une appli kayak. MyFitnessPal. Je suppose, permet de donner pas mal d'informations. MyFitnessPal, en fait, c'est une application de tracking et d'auto-tracking et de suivi de ce que tu manges, en fait, pour pouvoir compter tes calories et les aliments que tu bouffes. J'imagine que tu peux aussi l'interfacer avec un truc qui compte le nombre de pas que tu fais, du coup, qui check tes déplacements. Ouais, complètement. Ce genre de données que t'as tout à fait envie de donner. Complètement. Tu peux le relier à ça. Mais tu donnes aussi des données du style, comment dire, ton poids, ta taille, ton sexe, ton âge. Tes habitudes alimentaires. Voilà, qui sont des données hyper intéressantes, en fait, pour un tas d'entreprises différentes. Et alors, quelle autre application ? Allez. Quelle application t'aurais pas du tout envie que Facebook envoie les données Des trucs bien cul. Tinder. Bah oui, forcément. Alors là, désolé, combien de crises cardiaques derrière l'écran. Non mais ça c'est un peu inclus dans un petit peu inclus dans le contrat parce qu'il faut un compte Facebook je crois pour s'inscrire. Ah, je ne sais pas. Non. Enfin, je dis non, ça. Griller. T'es pas obligé de hurler dans le micro. C'est d'ailleurs d'être grillé parce que franchement t'es grillé là-dedans, c'est tout à ton honneur parce que ça veut dire que tu participes. C'est vrai que c'est cool. on débat beaucoup autour de... En tout cas, l'info, c'est pas de savoir qui utilise ou pas autour de la table Tinder ou Grindr. L'info, c'est quand même de savoir que Facebook, ces applications-là, elles revendent... Elles ont été développées et elles envoient des données à Facebook. Après, et toutes ces applications qu'on a citées, donc ça, c'est que quelques-unes parmi les 20. Et les 20 qui ont été grillées, elles sont 20 sur 34. Il y a des milliers et des milliers et des milliers d'applications Facebook. Donc, on peut imaginer le nombre d'applications qui racontent la vie des gens qui ont Android à Facebook. Ces applications-là, elles ne font pas ça gratos, en fait. Hein. C'est pas, Moi, ça va, je joue au casse-brique, donc... Peut-être que ton casse-brique communique avec Facebook, hein, fais gaffe. Tes statistiques casse-brique. Ouais, je suis au niveau 327 pour l'instant. mais ouais, de toute façon, Tinder, en fait, ça fonctionne sur un principe pour rencontrer des gens autour de toi, c'est que tu es obligé d'activer ta géolocalisation, en fait, pour voir les profils de gens qui sont pas loin de toi et que t'es susceptible de rencontrer. Et il y a tout un tas de données aussi que tu rentres. Bah, tu rentres ton genre, ton âge, et le genre et l'âge des personnes que tu souhaites rencontrer, en plus de mettre des photos de toi. Et tu n'es pas obligé de te créer un compte Tinder spécifiquement, en fait, pour accéder à Tinder. Comme sur tout un tas d'applications, ils te proposent de te connecter via ton compte Facebook, en fait, pour pas avoir à te refaire un compte, parce que plein de gens trouvent ça chiant de refaire un pseudo en identifiant machin. Enfin, il y a tout un tas de sites qui font ça, même des sites de vente, en fait, genre Asos, des sites un peu à la con comme ça, où tu peux te refaire un profil en marquant « se connecter via Facebook ». Et ils te précisent bien, en fait, que Facebook publiera pas en ton nom des choses sur ton mur, ce qui est déjà la moindre des choses. Mais effectivement, c'est une connexion entre les deux, en fait. Facebook a une bonne idée de ce que tu fais de ta vie, de ce que tu commandes dans ta vie, de ce que tu achètes également. Et au niveau de la géolocalisation, du coup, c'est assez flippant. Facebook, maître du monde. Et du coup, peut-être une des façons, il y en a sûrement plein, mais d'échapper à ça, c'est qu'on n'est pas obligé de se faire un compte Google pour avoir des applications sur un téléphone Android. Du coup, si comme moi vous avez la flemme et un peu peur de péter votre téléphone en installant un autre système d'exploitation qu'un Android sur votre téléphone, vous pouvez tout à fait aussi télécharger vos logiciels depuis d'autres dépôts et télécharger des logiciels libres qui vont pas raconter votre vie à Facebook. Et il y a notamment un dépôt que évidemment qui s'appelle F-Droid. F-Droid, merci. Qui vous permet en fait donc c'est F comme la lettre F, Droid comme la fin d'Android, D-R-O-I-D. Et du coup, ça vous permet d'installer un certain nombre d'applications qui sont utiles, qui peuvent être utiles sur un smartphone. Des applications tout à fait équivalentes, comme la gestion de son agenda. Par exemple, ouais. Parce que voilà, la suite Google propose un agenda, par exemple. Donc quand on entre des événements, son emploi du temps sur Google, c'est aussi partagé avec Google. Sur l'agenda Google, il y a aussi des options, des spécificités proposées, comme par exemple faire de la géolocalisation des événements auxquels on doit se rendre, ce qui donne des infos encore plus précises en fait sur ce qu'on fait de sa life. Ouais, sur F-Droid, il y a aussi, ouais, il y a tout un tas d'équivalents en fait proposés par Google Android qui sont disponibles gratos. Après, le seul truc que j'ai à reprocher à F-Droid, c'est que je trouve ça vraiment pas intuitif, vraiment pas par catégorie, et qui, en fait, il faut savoir ce que tu cherches avant de pouvoir le trouver, et que t'as pas un truc de suggestion qui peut La dernière version d'Android classe les logiciels par catégorie. Cool. D'Android, mais F-Droid. Excusez-moi. Ah, oui. C'est chouette. Non, mais je trouve ça pas plus chiant que Play Store. Que l'appli de Google, quoi. D'accord, c'est chouette. Parce que peut-être que je suis un peu trop toxico-accro à mon smartphone, mais... Peut-être t'as pas mis à jour F-Droid. Peut-être. Mais je trouvais ça bien pratique, en fait, ce truc de suggestion, en fait, où une fois sur deux, bizarrement, il y avait des trucs qui répondaient à mes besoins, en fait, qui m'étaient suggérés. C'est bien pour ça que les gens, ils continuent à utiliser ce genre de trucs. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai l'impression que le seul moyen de se protéger de tout ça, c'est dès que t'as pas envie que quelque chose... Enfin, dès que c'est un truc un peu personnel et que t'as pas envie que tout le monde le sache ou je sais pas quoi, ou que ça regarde pas les autres gens, bah juste, t'utilises ni smartphone, ni ordinateur, ni téléphone portable pour en parler, quoi. C'est con, hein, mais en vrai, c'est la base, finalement. Aussi, ouais. Mais en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ai sur Facebook et je m'en sers assez régulièrement pour prendre nouvelles de gens que je n'ai pas vu depuis très longtemps, envoyer des liens, de la musique, des choses comme ça. Et il y a beaucoup d'événements qui m'intéressent. J'ai un petit carnet avec un crayon. Et chaque fois qu'il y a un événement qui m'intéresse, je note tout dans mon petit carnet avec mon crayon. Tu mets des pouces bleus à côté ? Non. Ah non, absolument pas. Mais non, parce que quand tu mets des pouces bleus, ça veut dire que t'es gaulé. Ça dépend de la couleur de ton stylo. Ce qui veut dire pour moi, c'est que je visite tous les événements, même les trucs qui m'intéressent pas. Je vais regarder la page, je vais regarder la description, tout ça, et je fais exprès de tout visiter. Mais je vais noter sur mon petit carnet les choses qui m'intéressent vraiment. Et je mets rien, genre, parce que c'est facile de mettre « je suis intéressé par tel truc ». Et je prends un malin plaisir à ne jamais faire ça. Juste avec mon petit carnet, je note les trucs, je sais quand ça se passe, à quelle heure, à quel endroit, j'y vais, mais je n'ai notifié à personne ma présence à ce genre de choses. Et je fais ça depuis environ 3 ans, et ce qui est assez rigolo, c'est que je réalise que maintenant les algorithmes se prennent les pieds dans le plat, à savoir que des fois on me propose des trucs qui me font beaucoup rire et qui n'ont rien à voir avec ça, et moi j'ai jamais acquiescé ou désapprouvé quoi que ce soit. Donc du coup, Facebook me propose des séances de sophrologie arrosée ou alors une séance de projection d'un film un petit peu vraiment, vraiment très limite à la Chapelle sur Erdre. Je suis bon, pourquoi pas, tu vois. Et ça me fait beaucoup rire parce que du coup, je vois toutes ces choses-là alors que je sais que si j'avais fait genre je participe de ma présence à tel événement ou à tel événement, ces choses-là auraient disparu de mon fil d'actualité. Mais du coup, j'ai un fil d'actualité de merde. Et là, c'est là que ça devient super intéressant, c'est que dans mon fil d'actualité, j'ai que des conneries. Et du coup, je trouve ça assez drôle. Du coup, quand j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe, je vais appeler mes amis qui organisent des trucs ou mes amis qui vont voir des trucs. Je leur dis tiens, moi j'ai envie de savoir ce qui se passe. Je repasse un bon coup de fil à l'ancienne. Ils me disent tiens, il y a machin tel endroit. Moi, je prends mon carnet, j'ouvre mon stylo, je note sur une page et puis après, j'y vais quoi. Tout simplement. Moi, une fois, un truc hyper rigolo que Facebook m'a proposé, ils m'ont proposé un atelier de taxidermie de souris. Ça, c'est Aurélia. Ouais, non, c'est pas ça. Ils m'ont proposé un atelier de taxidermie pornographique de souris, en fait, pour mettre les souris dans des positions porno en faisant de la taxidermie. C'était tellement drôle. Et je sais pas pourquoi on m'a proposé ça, je ne sais pas. Juste pour rebondir là-dessus, sur le chat, on nous parle de d'un logiciel pour les mails qui s'appelle K9 Mail. K9 Mail. Mais je pense qu'on pourra faire une autre chronique informatique sur les logiciels libres à un moment. Ouais, ça serait pas mal de préciser que du coup le logiciel dont tu parles, c'est un logiciel qui permet de chiffrer ses mails. Oui. Et du coup, voilà. Et je pense que ça serait intéressant aussi, il y a un article qui est paru il y a pas longtemps qui parlait de comment... Enfin, d'une nouvelle façon de réfléchir à l'anonymité. Oui, c'est ça. Anonymisation. Anonymisation. L'anonymat, c'est ça. L'anonymat. Et l'utilisation des d'internet, des téléphones portables, et justement de comment on fait des actions habituelles, à quel moment, enfin comment brouiller les pistes, tout ça. Mais je pense qu'on pourra en parler. Ouais. Justement, ça me fait penser à un texte hyper chouette qui est paru il y a vraiment pas très longtemps, je sais plus sur quel site, il faudrait que je le retrouve pour une fois prochaine, qui parler en fait de changer ses stratégies en termes de discrétion, comment dire, par rapport à ses téléphones. Ah oui, c'est exactement ça dont tu parlais. Et ouais, enfin, en gros, pour résumer, qui parlait du fait que quand tu utilises un smartphone, en fait, tu as un schéma en fait d'utilisation bien précis, et qui, en fait, ce qui met la puce à l'oreille, c'est quand justement tu romps ce schéma-là. Par exemple, quand tu ne prends pas ton téléphone pendant 48 heures pour aller faire des trucs, aller faire des actions, et que, au contraire, ce qui serait plus malin, ce serait de ne jamais éteindre ton téléphone portable, en fait, à la limite de le mettre dans une autre pièce, si jamais t'as des trucs à dire, tatati, tatata, mais qu'au moment où tu fais des actions, de ne pas rompre ce schéma-là. Et par exemple, si tu as l'habitude de consulter et tes mails et ton Facebook et de faire 2-3 jeux avant d'aller te coucher, et ben de continuer de les faire à cette heure-là, en fait, ainsi que ta routine du matin. Ou à la limite, si tu vas pas à la fac, de filer ton téléphone à un copain qui va à la fac pour faire les mêmes trajets que d'habitude. C'était un peu une des nouvelles stratégies proposées pour pallier à la surveillance, mais je crois qu'on parlait de la même chose du coup. On fait une petite pause musicale avant de passer au dernier. Oui. La dernière petite news. Algorithme de merde. Yes, I remember the yesterdays, the poverty that you and me survived. For we tried living on streets that weren't giving, and laughed and cried in youth we died and didn't know. Yes, my friends, our history, the memory shall carry me until we're free. The times we saw we didn't deserve, hostility we couldn't see, it was absurd. But we gave joy, each girl and boy, so innocent, our future bent against the wind. Yes, my friends, our history, the memory shall carry me until we're free. Desperate kisses in alleyways, the future days they laid to waste our little lives. The concrete park, a stab in the dark, to rest our soul, and we were old before we grew. Oh yes, my friends, our history, the memory patch our little spot with what they've done. I miss them all, but the future calls, demanding we set ourselves free as we should be. Oh yes, my friends, our history, the memory shall carry me until we're free. Salut, vous êtes toujours sur Radio Cayenne, on va continuer notre chronique fleuve sur algorithme et je ne sais pas quoi, et truc de merde hein, plutôt pour l'instant. Hein, ouais. Algorithme et truc de merde. Et moi je vais vous lire un article qui est paru le 2 janvier sur Mediapart sur la justice. Alors le titre c'est « La justice se prépare à l'arrivée des algorithmes ». Alors on en avait déjà un petit peu parlé et là c'est l'occasion de développer un petit peu. Alors c'est écrit par Jérôme Ourdeau. Voilà, salut Jérôme. J'ai commencé la lecture. Alors, la numérisation de l'État était une des grandes promesses d'Emmanuel Macron. La Startup Nation est censée s'accompagner d'une dématérialisation de tous les aspects des relations entre les institutions et les citoyens. Certains chantiers sont déjà bien avancés, par exemple dans le domaine fiscal avec le paiement des impôts à la source. Le domaine de loi sur la justice en cours d'examen, le projet de loi, pardon, sur la justice en cours d'examen au Parlement en ouvre un nouveau, celui de la numérisation de la justice. Ce texte introduit quelques mesures qui marquent les premiers signes de l'adaptation de l'instruction judiciaire au numérique, ainsi que son ouverture au marché de la legal tech, en français technologie juridique ou technologie au service du droit. Derrière ce terme se cache tout un écosystème d'acteurs dont le but est de promouvoir la numérisation de la justice. Les procédures qui pourront se faire en ligne, les jugements qui pourront être rédigés, voire rendus par un algorithme, ou encore les décisions elles-mêmes qui formeront ainsi une gigantesque base de données, autrement dit le big data, dont ont besoin les algorithmes pour tourner. Comme pour sa cousine la Civic Tech, dont le but est de numériser les institutions démocratiques, la communauté de la Legal Tech abrite des acteurs convaincus que l'informatique a le pouvoir de transformer la société, mais également de nombreuses entreprises impatientes de disrupter un nouveau marché potentiellement colossal. Benjamin Jean appartient à la première catégorie. L'association qu'il préside, Open Law, milite pour un droit ouvert et un rapprochement entre le monde du juridique et celui du numérique. Il existe plusieurs définitions possibles de la Legal Tech, explique-t-il à Mediapart. Au sein de l'Open Law, nous considérons comme acteurs de la Legal Tech tous ceux qui s'appuient sur des solutions et des outils numériques pour favoriser l'accès au droit et à la justice. La finalité, c'est vraiment l'accès au droit et à la justice. Et c'est l'utilisation du numérique dans cette optique qui caractérise la Legal Tech. C'est donc une définition très large, poursuit Benjamin Jean. Les premières formes de Legal Tech ont été les plateformes de marché qui permettaient de contacter facilement un avocat. Au sein des cabinets d'avocats et des études de notaires, le numérique permet déjà de faire mieux que ce qu'on faisait avant. Il existe pas mal de solutions. Alors c'est toujours une citation hein, de Benjamin Jean. Hein. Il existe pas mal de solutions qui permettent de mieux gérer les documents et toutes les saisies. Ensuite, il y a tout ce qui permet de favoriser la collaboration. Certains nouveaux outils permettent d'aller dans le sens de la pluridisciplinarité, du premier coup, de faire travailler facilement des avocats avec des notaires, avec des huissiers, de favoriser les relations entre les professionnels, les professions réglementées. Aujourd'hui, explique Benjamin Jean, toujours, il y a toute une diversité d'acteurs venant soit du numérique, des pure players, je sais pas trop ce que c'est en vrai. Mais... C'est les plateformes numériques qui font que ça, d'accord. Soit des secteurs traditionnels, les éditeurs juridiques notamment sont tous depuis quelque temps sur le numérique. Il y a également des acteurs institutionnels comme DILA, Direction de l'information légale et administrative, ou le Parlement. Au-delà de la numérisation des dossiers et des procédures, certaines sociétés proposent d'aller plus loin en introduisant des algorithmes dans notre système juridique. Certains outils permettent de faire des choses impossibles auparavant. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle la justice prédictive, ou en tout cas l'intelligence artificielle appliquée au droit, souligne le président d'Open Law, Benjamin. Les 27 et 28 novembre dernier, l'association organisait à la Cité des Sciences à Paris, avec le site communautaire de professionnels du droit Village de la Justice, le quatrième village de la Legal Tech, un salon témoignant du foisonnement d'offres déjà existantes sur le marché. Aux côtés des éditeurs juridiques les plus connus, tels que Dalloz, venus représenter leurs services en ligne, de nombreuses start-up proposent de numériser le travail administratif des avocats, de réaliser son divorce à l'amiable en ligne ou encore de prévoir, grâce aux algorithmes, l'issue d'une procédure. Parmi ces plateformes, mesindemnités.com propose par exemple d'obtenir le montant précis des indemnités du solde de tout compte, les droits à Pôle emploi et les indemnités de licenciement prud'homal. La société Predictis, donc c'est une société, une boîte, elle propose une offre complète promettant d'analyser des millions de décisions de justice en une seconde, afin de prédire le taux de succès d'une action contentieuse. Le rapport d'analyse est accompagné d'une série de données comme la répartition des décisions favorables ou défavorables en fonction des différents ressorts géographiques, ainsi qu'un accès à la jurisprudence disponible. Je suis assez réservé sur ces nombreux outils qui permettent de faire de la statistique, de l'accompagnement avec une certaine prédictibilité, modère Benjamin Jean. Aujourd'hui, c'est plus un argument commercial qu'une réalité. La Legal Tech est un marché déjà important, mais encore en pleine expansion. Il y a plein d'acteurs, mais je pense qu'on est encore dans une phase d'exploration et que ça va se resserrer ensuite. En dépit des promesses que font miroiter certaines startups, la Legal Tech n'en est en effet qu'à ses balbutiements. Pour fonctionner à plein régime, les algorithmes ont besoin d'un maximum de données, ou du moins d'une masse suffisante pour constituer du big data. Or, la justice française est une institution qui s'accommode encore mal des immixtions du privé dans ses affaires. De nombreux juristes voient d'un très mauvais œil la numérisation de procédures qui se font encore bien souvent sur papier. À ce jour, seules les principales décisions importantes pour la jurisprudence et émanant le plus souvent des hautes juridictions, la Cour de cassation et le Conseil d'État, sont mises en ligne sur les sites de Légifrance et de la DILA. Pour le reste, les sociétés doivent se débrouiller pour se procurer les décisions qui les intéressent, parfois de manière peu orthodoxe. Au mois d'octobre dernier, le barreau de Paris a ainsi porté plainte après le piratage de plusieurs milliers de décisions de justice par la plateforme doctrine.fr. Malgré leurs efforts, les startups peinent à constituer une base de données digne de ce nom. Une plateforme telle que doctrine.fr affirme par exemple disposer de 7 millions de décisions de justice piratées, hein, comme on a vu, alors que chaque année, environ 4 millions de jugements sont rendus par les juridictions judiciaires et administratives. Pour que le marché de la Legal Tech, et plus particulièrement de la justice prédictive, puisse réellement décoller, celui-ci a un besoin vital d'accéder à l'ensemble des décisions de justice. Ce Big Bang de la Legal Tech est pourtant promis depuis plus de 2 ans par l'État. La loi pour une république numérique du 7 octobre 2016 avait posé dans ses articles 20 et 21 le principe d'une mise à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée de l'ensemble des décisions de justice. Mais ces dispositions nécessitaient la publication d'un décret précisant, notamment les conditions d'anonymisation des décisions. Celui-ci n'a toujours pas été pris en raison des vifs débats sur le sujet. Donc il y a la loi, mais pas le décret là-dessus. Un manque de contrôle. L'arrivée au pouvoir de la majorité La République En Marche et de sa Startup Nation a placé la numérisation des institutions, dont la justice, en tête des réformes prioritaires. Dès le mois d'octobre 2017, la garde des Sceaux Nicole Belloubet lançait une série de consultations devant aboutir à une vaste réforme du système judiciaire. Celle-ci est divisée en 5 chantiers, dont l'un s'intitule « Transformation numérique ». Les résultats des travaux, présentés au mois de janvier 2018, ont servi de base au projet de loi sur la justice en cours d'examen. Le même mois, la ministre de la Justice recevait le rapport sur l'open data des décisions de justice, commandé un an plus tôt par son prédécesseur Jean-Jacques Urvoas au professeur de droit Loïc Cadier. Au mois d'avril, le gouvernement déposait au Parlement son projet de loi de programmation 2018-2022 sur la justice. Toujours en cours d'examen, celui-ci devrait être définitivement adopté au milieu du mois de janvier. Comme prévu, plusieurs de ces dispositions amorcent le virage numérique promis. Concernant la numérisation des procédures, le texte prévoit de permettre de déposer plainte et de se constituer partie civile sur Internet. Alors qu'aujourd'hui, il n'est possible que d'y déposer une pré-plainte, ainsi que de permettre le recours à la visioconférence lors des audiences pour la prolongation des gardes à vue. Certaines plateformes qui proposent de régler de petits litiges en quelques clics sont déjà nombreuses sur le marché. Benjamin Jean en donne un exemple. Il y a quelques temps, après avoir pris un vol qui avait eu 5 heures de retard, scandaleux, j'avais tenté une de ces solutions en ligne. Ça se fait sur son téléphone. Il se charge de faire tous les échanges avec la compagnie aérienne qui m'a proposé un avoir, ce qu'ils ont refusé. Au final, un avocat a été saisi, qui plaidait pour moi sans même que je le rencontre, simplement en signant des autorisations. Ils m'ont pris 10% de la somme et j'ai reçu 400 euros sur mon compte. C'est un bon exemple de ce que peut apporter le numérique à la justice. Il faut savoir qu'en France, il existe 2 TGI, ceux de Roissy et d'Orly, qui consacrent chaque semaine une journée complète à ne traiter que les litiges en retard d'avion. Ça a l'air passionnant. Alors que les indemnités sont fixées par un barème qu'il n'y a pas besoin d'interpréter. Donc en gros, ils font rien. Le problème est que pour l'instant, ces offres ne font l'objet d'aucun contrôle. Pour réglementer ce secteur émergent, le gouvernement a écarté l'idée d'un label officiel mais ouvre la voie à une reconnaissance officielle des plateformes spécialisées dans les modes, modes amiables de résolution des différends, en leur proposant une certification facultative que les plateformes pourront ou non demander. Une demi-mesure est dénoncée, notamment par le député de la France Insoumise, Hugo Bernalicis. Youpi. Cette question de la régulation des modes amiables de résolution des différends est d'autant plus sensible que le texte prévoit également de permettre au juge d'imposer le recours à une procédure de conciliation ou de médiation pour les petits litiges, c'est-à-dire ceux portant sur moins de 5000 euros. Mais c'est la question de l'open data des décisions de justice qui est la plus attendue. Le débat portait sur la question de l'anonymisation des noms des magistrats et du personnel de justice. D'un côté, certains, comme l'association Regards Citoyens, plaidaient pour que ceci apparaisse clairement afin de permettre des recherches sur la probité des magistrats et la lutte contre les conflits d'intérêts ou la corruption. Ce qui a l'air plutôt chouette, hein. De l'autre, de nombreux magistrats s'inquiétaient de recherches effectuées sur leur nom afin d'établir des classements ou d'effectuer des pressions individuelles. Je crois que j'ai perdu mon paragraphe. Petite seconde. Oui. Après plusieurs modifications, la version actuelle du site, adoptée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, prévoit que les noms des magistrats apparaîtront. Cependant, il prévoit d'interdire toute forme de réutilisation des données d'identification des magistrats et agents de greffe dans le but d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles. Une fois adoptée, cette réforme de la justice permettra donc aux startups de la Legal Tech d'appliquer au droit les techniques d'intelligence artificielle déjà appliquées en matière de marketing ou de police prédictive. Avec la promesse à terme de pouvoir reconstituer le raisonnement d'un juge ou encore de prédire avec une quasi-certitude l'issue d'un procès. L'idée d'utiliser les chiffres pour automatiser les décisions de justice n'est pas nouvelle. Comme le racontait le philosophe canadien Ian Hacking, dans son livre « L'émergence de la probabilité » aux éditions du Seuil Collection Libère, Liber, novembre 2002, le raisonnement juridique est le même est même étroitement liée à la naissance de la conception moderne de la probabilité durant la seconde moitié du XVIIe siècle. Gottfried Wilhelm Leibniz, alors jeune étudiant en droit, joua notamment un rôle central dans cette révolution intellectuelle en tentant d'appliquer la logique mathématique au raisonnement juridique. Par la suite, de nombreux auteurs poursuivront cette quête d'une rationalisation du droit, comme Nicolas de Condorcet qui, en 1785, se penche sur la composition des jurys en matière pénale dans son essai sur l'application de l'analyse de la probabilité des décisions à la pluralité des voix. L'importance de la jurisprudence dans la hiérarchie des normes, bien que moindre que dans le système du précédent anglo-saxon, a également conduit les juristes à compiler de manière codifiée les décisions de justice. À partir des années 60, l'informatique commence à offrir des outils permettant d'exploiter ces bases de données et, dès 68, un institut de recherche et d'études pour le traitement et l'informatisation juridique, IRETIJ, voit le jour à Montpellier sous la direction du professeur Pierre Catala. Il y a, depuis l'époque moderne, l'idée qu'on peut tenter de rationaliser les rapports sociaux et le droit. Dans ce cadre, peut s'armer d'outils nés dans les sciences sociales et en particulier l'outil statistique, analyse Jean Lassègue, philosophe et épistémologue au CNRS et co-auteur avec le magistrat Antoine Garapon de Justice Digitale, PUF, avril 2018. Aujourd'hui, l'électronique et l'informatique ont totalement changé la donne et on a l'impression que ce rêve peut se réaliser. Mais il ne faut pas oublier que ce rêve a ses limites. L'informatique est liée d'un théorème que l'on appelle négatif, qui est un théorème de limitation. S'il y a des limitations, il ne faut pas les oublier. Dans leur livre, Antoine Garapon et Jean Lassègue pointent plusieurs de ces limitations. Concernant la dématérialisation des procédures, le magistrat et le philosophe soulignent l'importance de ce qu'ils appellent la quatrième dimension de l'audience, c'est-à-dire le rituel entourant toute procédure et nécessitant une rencontre physique entre les parties extrêmement codifiées. La justice, ce n'est pas seulement appliquer la loi, explique Jean Lassègue, c'est réunir à ce que, par une opération très ritualisée et très complexe, on arrive à se mettre d'accord sur l'issue d'un certain litige. Et tout ça prend du temps. C'est pour cela qu'un procès, c'est long et compliqué. Et avec toutes sortes de ritualisations collectives, si l'on oublie toute la dimension anthropologique du droit pour ne conserver que sa dimension algorithmique, ce qui est un rêve formaliste pour certains juristes, on rate le but qui est de rendre justice. Oui, bon, on pourra en reparler après tout ça. Hein. Jusqu'où laisser faire les algorithmes? Pour les philosophes, toute dématérialisation n'est pourtant pas à rejeter, à condition qu'elle relève d'un choix encadré par le politique. Il y a toutes sortes de litiges qui peuvent être automatisés, pour les excès de vitesse par exemple. Même si vous pouvez contester devant le juge, il s'agit d'un processus quasiment entièrement automatisé. Mais c'est parce que cet excès est extrêmement simple. Vous êtes au-dessus ou en dessous de la limitation de vitesse. Cependant, la chose importante est de déterminer quel type de litige peuvent être traités avec des algorithmes et jusqu'où, poursuit Jean Lassègue. Et ça, c'est ce qui est en train d'être fait. C'est selon moi très important car je pense, selon Jean Lassègue, que les informaticiens ne sont pas capables de faire ce travail par eux-mêmes. Ce sont des décisions d'ordre politique. C'est aux politiques de déterminer à quel niveau il faut faire intervenir le débat contradictoire, la réunion des parties, l'intervention humaine du juge, pour que se produise quelque chose que l'on a peut-être un peu tendance à sous-estimer, le sentiment d'avoir été jugé. Dès qu'on en a affaire à des témoignages, des auditions de témoins pour des affaires pénales, ça me paraît impossible de s'en remettre à des algorithmes. Cette réaffirmation du politique est d'autant plus nécessaire que les différents logiciels et MARD, sont les produits de sociétés privées dont le développement pourrait conduire à une privatisation de facto de toute une partie de la justice. Pour l'idéologie néolibérale, l'État est une espèce de parasite dont on pourrait se passer, oui peut-être, souligne Jean Lassègue et voudrait réussir à ajuster les rapports sociaux sans en passer par lui. De ce point de vue, l'informatique joue ce rôle. Elle permet d'ajuster des rapports sans en passer par des tiers médiateurs. Dans le cas de la justice, c'est pareil. Un algorithme va répondre à des questions sans en passer par le juge ni par l'État. C'est, selon moi, une folie pure et simple. L'informatique, c'est une médiation. Certes, il y a un nouveau genre, mais une médiation. Il n'y a aucune raison de la penser comme contre l'État. Celui-ci a son mot à dire. Par exemple, l'État doit pouvoir dire oui ou non, on utilise ce logiciel, ou celui-là, je veux reconnaître son code source, c'est une question de souveraineté, blablabla. Outre une déshumanisation par l'abandon des rituels et une privatisation de la legal tech, la justice est menacée par la logique même des algorithmes dits prédictifs. Quel intérêt aura un avocat à accepter un dossier dont un algorithme lui aura été affirmé que les chances de succès sont inférieures à 50%? Un juge osera-t-il s'écarter d'une solution qu'un logiciel présentera comme la plus prononcée pour ses pairs? À terme, la justice prédictive dessine un système judiciaire à deux vitesses où seuls les justiciables potentiellement rentables pour leur avocat pourront agir en justice. Et où le juge se contenterait d'appliquer la loi de manière automatique sans possibilité d'interprétation. Ce risque existe, mais je ne pense pas que ce soit une obligation, estime Jean Lassaigue. Quand on dit justice prédictive, c'est en fait de la pub. En réalité, ce n'est jamais prédictif au sens strict. Existe-t-il une science qui soit intégralement prédictive? Non. Par contre, parler de justice prédictive, ça fait de la pub. Il faut en effet être très vigilant sur les cas particuliers dans les décisions de justice, poursuit le philosophe. Le risque est réel d'avoir une espèce de voie moyenne qui s'impose. Il ne faut pas considérer seulement qu'il s'agit de cas particuliers, il faut aussi considérer que ce sont des cas qui peuvent faire bouger la loi. Et c'est très important. Une loi, ce n'est jamais gravé dans le marbre, ça évolue, mais tout en conservant son pouvoir de contrainte. Et qu'est-ce qui fait évoluer une loi? Ce n'est pas la décision moyenne, c'est la décision très peu spécifiée, dans un cas qui ne s'était jamais posé, et où on se dit, tiens, ça, on n'y avait pas pensé. La jurisprudence, on ne s'est pas précisé. Mais... Faudrait-il aller jusqu'à interdire aux sociétés de permettre l'affichage des chances de succès d'une affaire, comme le font déjà certains logiciels? Je ne crois pas, estime Benjamin Jean. La question n'est pas tant de savoir s'il faut l'empêcher, car de toute manière, cela va se faire. Plein de choses dont nous parlons sont déjà accessibles à ceux qui en ont les moyens. L'enjeu est donc de savoir s'il faut le démocratiser ou pas et s'il y aura ou non une transparence. Il faut un accompagnement et une lecture critique des chiffres. Il faut plus travailler sur l'accompagnement que sur la limitation. Personnellement, je ne vois pas de problème à ce qu'une personne sache, avant d'aller en justice, combien elle peut espérer toucher comme indemnité et combien de temps ça prendra, poursuit le président d'OpenLaw. Cela lui permet de se projeter dans un milieu qui est tout de même extrêmement complexe. Au bout du compte, un avocat fait exactement la même chose. Il s'appuie sur son expérience pour dire, pour reprendre l'exemple, que dans tel contexte, vous ne toucherez pas plus que telle somme et que cela prendra tant de temps. Cette expérience peut être rendue accessible au plus grand nombre et je pense que c'est peut-être bien pour le droit. Donc là, on va revenir sur tout ça. Hein. Après, bien entendu, il faut conserver une place pour la liberté humaine. Je connais des cas où des personnes sont allées jusqu'au procès contre l'avis de leur avocat pour le principe. Il faut que les gens comprennent que ces outils peuvent apporter comme conseil, mais il ne faut pas que cela les limite. Oui. Concernant la dématérialisation des procédures, Benjamin Jean rejoint le point de vue de Jean Lassaigue. Il faut juste ne pas tout mélanger. Il y a différents types de situations qui amènent à différents enjeux, estime-t-il. Ce n'est pas la même chose lorsqu'il s'agit d'une action en vice caché pour un téléphone cassé, d'un procès pour harcèlement en droit du travail ou d'un crime jugé en cour d'assises. Certes. Il ne faut pas mettre de côté l'aspect présentiel, physique. Il ne faut surtout pas enlever l'aspect humain des rites qu'il y a tout autour des procédures. Il y a des situations, par exemple en matière pénale, où la plaidoirie est un moment indispensable. Tout cela sert à accompagner non seulement le procès, mais également les victimes. Mais en dehors de ces domaines, poursuit Benjamin Jean, il existe de nombreuses choses qui peuvent être automatisées, par exemple... Pour les retards d'avion, les dédommagements sont calculés en fonction d'un règlement européen très précis. Il est tout de même dommage de faire plaider un avocat pendant une heure pour qu'il demande l'application automatique d'un texte. Si on automatise totalement cette procédure, on fait gagner du temps à tout le monde. C'est vrai que le temps, c'est de l'argent. Hein. On a presque fini. Hein. Les acteurs de la Legal Tech ont conscience des enjeux éthiques qu'ils soulèvent. Ah bah quand même. Plusieurs d'entre eux ont déjà publié divers rapports ou chartes non contraignantes sur le sujet. La société Predictis a ainsi commandé à la clinique du droit, la clinique de droit de Sciences Po, un livre blanc sur les enjeux éthiques de la justice prédictive, publié au mois d'octobre 2018. Celui-ci formulait 7 propositions portant notamment sur les obligations de transparence des algorithmes, dont les concepteurs devraient expliciter les données utilisées, les critères appliqués, les logiques mises en œuvre, etc. En décembre 2017, une charte éthique pour le marché du droit en ligne a même été rédigée et adoptée depuis par plusieurs dizaines d'acteurs, dont récemment par le Conseil supérieur du notariat. On y retrouve les obligations de transparence des algorithmes ainsi que des dispositions sur leur conformité aux droits positifs ou sur la sécurisation des données. Le projet de loi sur la justice ne prévoit pas beaucoup plus de garanties. S'il ouvre enfin les vannes de l'open data à la judiciaire, il ne prévoit aucune contrepartie pour les acteurs de Legal Tech, se contentant de mettre en place un système de certification facultatif. Et voilà, donc on arrive à la fin de cet article qui était un peu fleuve, je suis désolé. Y a-t-il des réactions à chaud ? Peut-être une première remarque, c'est de quel côté se placent les personnes qui interviennent là, ou qui sont interviewées dans cet article, elles se placent systématiquement du côté des personnes qui vont attaquer en justice en fait. Quand elle parle au début d'accès à la justice, d'accès au droit, elle parle absolument pas du droit à la défense. Et la plupart des procès, ils redisent à chaque fois, ça pose d'autres questions pour le pénal, etc., etc. La plupart des procès en pénal, en fait, on parle pas de crime, on parle pas, enfin, il n'y a pas que du droit des victimes en fait dans ce dont on parle, il y a effectivement le droit des victimes, mais la plupart des gens qui passent en procès, ils ont piqué quelque chose, ils ont jeté un truc ou pas d'ailleurs, ils sont accusés d'avoir jeté des trucs sur les keufs, ils ont dealé du shit ou d'autres trucs, enfin c'est une façon particulière en tout cas de se positionner dans le droit qu'ont les personnes là qui se positionnent, et du coup toutes les questions philosophiques qui se posent en fait elles découlent de ça en fait, et les limites qu'elles posent, enfin moi je poserais quand même une grosse limite autour du droit à la défense qui est même pas évoqué là en fait. Bah oui, au final on peut se demander à quoi ça sert en fait la profession d'avocat si on se dirige vers un système comme ça, parce que certes, on se dit que via ce processus automatisé, si c'est pour demander l'application automatique d'un texte de loi, tatati tatata, ça ferait gagner du temps à tout le monde, certes en fait, mais chacun a le droit à une défense, et en plus à une défense circonstanciée en fait, en plus de l'application d'un texte de loi en vigueur en fait, de dire qu'il y a des circonstances en fait à ce qui s'est passé, de rappeler un contexte. Et que c'est pas seulement demander l'application automatique d'un texte de loi, en fait. C'est aussi pouvoir préparer une défense adaptée, à ce que va répondre la partie adverse. Et que ça peut pas se résoudre uniquement par des réponses automatiques, à mon sens. Et puis du coup, la réponse automatique, elle supposerait que la justice... elle soit juste, ou je sais pas comment dire, quoi, qui est déjà une que ce sorte... soit juste de l'exécutif, quoi. Non, enfin, mais de l'exécution. En fait, mais ils le disent à un moment aussi que c'est, ça peut pas être des informaticiens, et ça peut pas être, et c'est même pas la question des informaticiens pour moi, ça peut pas être un logiciel, en fait, qui s'occupe de ça. Parce que c'est des questions politiques, et effectivement la justice c'est des questions politiques, c'est une justice de classe en fait, qui va condamner des gens pour ne pas se conformer ou ne pas accepter en fait de rester à la place que le système leur assigne. Et ça, si un logiciel peut très bien le faire, et c'est ça qui est à redouter, enfin je sais pas si c'est clair. Oui, je crois, oui. Eux, ils ont peur que ce soit pas juste. Ce que je veux dire, c'est que eux, ils ont peur que les décisions rendues, elles soient pas justes, comme si le système actuel, en fait, il avait quelque chose de juste. En fait, la justice, elle est profondément injuste. C'est et du coup, un logiciel pourrait très bien être profondément injuste comme la justice. En fait, il suffirait de mettre dans le logiciel les critères. C'est un pauvre, tu le condamnes. Oui, bah du coup, ça inscrirait encore plus dans le dur cette logique-là, quoi. Et au beurre, je fais le grand chambardement dans mon salon. Révolution, même manqué, tu me manques dans mes chansons. Moi aussi j'éclate en vain, je fais des bons petits calembours. Je fais le grand chambardement dans mon refrain. Perdida yo.